Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. سيزيام لسون. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كتبوا الرضي. أولا نسألكم عن الكلمات الجديدة. اولا الكلمه طيب عليك الكتب ما معنى الخطوط الجويه ما معنى رقم ما معنى مسافر ما معنى سعود؟ ما معنى أعلن يعلن إعلانا؟ ما معنى مر يمر؟ ما هو المصدر؟ مرورا ما معنى نداء؟ توجه يتوجه توجه عندي إذا فهمت الفيها فهمت المصدر إن شاء الله أما ترجمة الآن جاني بايد أن تتكسي فيها سلم يسلم تسليما نعم طيب وزن يزين وزنا ضابط عفش طيب نأخذ الأسئلة طيب أجيب عن الأسئلة الآتية ماذا سلم محمود الموظف سلم محمود جواز سفره وتذكرته طيب ثانيا ماذا وزن محمود وزن محمود حقائب وعشر طيب ثالثا كم دفع الوزن الزائد دفع للوزن الزائد 50 دولارا رابعا ماذا أعلنت الخطوط السعودية؟ أعلنت الخطوط السعودية قيام الحج رقم 90 ماذا؟ رحلة رقم 90 رقم 90 نعم رقم 90 إلى أين يتجه رحلة رقم 90 تتجه إلى الرياض نعم ماذا طلب الموظف من المسافرين طلب الموظف من المسافرين توجه حلو. توجه إلى بوابة طيب انظروا هنا la phrase le sens est correct mais un truc qui était meilleur justement c'est de faire comme nous avons dit au début du livre au lieu de répéter le fa'il et de répéter le truc tu mets un damir talaba minhum an kada kada kada on va confirmer la phrase ça va bien نعم لا بعيد تجيء رقمها ثلاثة ثامن لماذا يتوجه المسافرون إلى بوابة الخروج لركب في طائرة لي لا يعني هذا Il y avait un mot qui a été mis dans le tableau pour le nouveau vocabulaire, Azab, qui est mieux à employer. Un dash est adaptable. C'est le mot qu'il faut employer. En tout cas, ma forme, alhamdoulilah. Et maintenant, compléter les trous dans les phrases. Du mal où là ? Un deck ? C'est quoi le mot qui manque ايوه نعم هذا هو صحيح ثالثا ضابط كلمات سمع المسافرون النداء نعم كلمة سمع رابعا على المسافرين سرعة التواجه إلى بوابة الخروج طيب أحسنتم التواجه نعم لبوابة الخروج لماذا توجهي سرعة Toujours dans la deuxième unité, la troue fidèle à Khamis, cinquième leçon. Bi Anouan, bi Fi Bahoui al-Stikbel. Taïeb. Dans la salle d'accueil. Ou d'arrivée. À la base, Stikbel, c'est accueil. Taïeb. Accueil. Mais dans le sens du texte, c'est. La fin quand tu arrives à l'aéroport, c'est. Salle d'arrivée, non? C'est ça, salle d'arrivée. T'as la salle de départ, ouais, la salle d'arrivée. C'est pas la salle de réception, ça va de pas réception. Ouais, l'accueil, c'est quand t'arrives à la base. L'accueil. Là, ce qu'il veut dire par là, c'est la salle d'arrivée, tu vois, en fait. Mais stick bell, ça veut dire accueil. Ouais, mais ça peut être. Tu vois, stick blue car, c'est juste. Ce qui t'accueille dans leur pays, tu vois. Ça peut être. Non. Voyez, quel est le mettre jadid là أقفل يقفل ça c'est fermé ou cadenassé à la base coufle un coufle tout seul c'est un cadenas une serrure fermé. Donc c'est fermé mais avec sécurité en fait c'est plus fort que alaka alors tu dis أقفل الباب si tu fermes la porte et en plus tu tournes la clé dans le verrou Muttajihun, c'est le ism fa'il de ittajaha. Pour celui, allazi yattajih. Muttajihun, c'est le ism fa'il de ittajaha. Là, il va nous apprendre dans ce dash-là, normalement, à faire le isme fa'il des verbes à quatre lettres. Ruba'i, Inch'Allah. Mais celui-là, ce n'est pas ruba'i, celui-là, c'est un khumasi. En tout cas, muttajihun, c'est l'isme fa'il de ittajaha. De toute façon, la règle elle est simple, comme on va l'expliquer après, pour trouver l'isme fa'il de autre que le soulasi, ce serait facile. Et le roba'i, le khumasi, soudasi, en tout cas, c'est la même règle pour tout ça. Inch'Allah. Al-Jama'alik, ça c'est la douane. Amkana yumkino, c'est être possible. On a dit au début, yumkino ka kaza wa kaza, c'est possible de faire telle chose ou telle chose. Amkana, c'est être possible. Être possible. Non. Yumkino hada, est-ce que cela est possible? Mathalan? Souvent ils disent mumkin. C'est l'isme fa'il. Quand souvent ils disent mumkin. C'est le même. C'est l'isme fa'il de yumkino. Mumkin, c'est l'isme fa'il de yumkino. Fortuna c'est un verbe, l'autre c'est un verbe. Être possible, non? Non. Ba'd. Ba'd, ça veut dire certain. Ba'd, ça veut dire certain. Un disouel, un kilomètre. Ba'd. Mon âme. Et dans la prononciation des gens, moi, je ne fais pas la différence entre barb avec la lettre en bad et. Bad ou barb. Hein? T'as bad et t'as barb. T'en as un dod, t'en as un del. Ouais, mais moi, je n'arrive pas. Dans la phrase, t'arrives à distinguer. Après, quand tu vas prendre le. Quand tu écoutes quelqu'un, il dit barb, c'est pas. Barb, tu vois bien, quand tu l'emploies, il n'a pas le même sens que bad. Normalement, dans la phrase, tu sens la différence entre les deux. T'en as un, il est lié au temps, ou peut-être au lieu, et l'autre, il est lié aux gens. Si je dis par exemple. Diaha Barb Alihua. Dia Barb Alihua. Tu sais que certains frères sont arrivés. Certains. C'est pas il est arrivé après les frères. Non. T'arrives dans le sens de la phrase, t'arrives à distinguer le. Après ça. Et Barb, la particularité c'est que c'est un mot qui en arabe peut être attribué aussi pour une personne. Par exemple, je peux dire. Bard al-Ikhwa qalu, certains frères ont dit, quand tu peux dire Bard al-Ikhwa qala, et tu peux viser par là une seule personne, tu peux prendre Bard pour une seule personne. Faut faire attention. Et la Bard avec un dod, c'est certain. Hein? C'est certain. Avec un dod, c'est certain, ouais. Et t'as un moment, une fois, qui avait joué avec ce mot-là, t'as dit que c'était fait critiquer par une personne. Et celui-là, il avait une tesquilla d'un cheikh qu'il connaît bien. Vous voyez, un cheikh qu'il connaît bien. Donc ce frère qui avait critiqué ses frères a appelé probablement ce cheikh. Vous voyez, et après, quand il a vu sa parole, il a dit wa yani kallamani ba'd al-mashayikh. Tu vois. Et ça se trouve, c'est un seul cheikh qui lui a parlé. Tu vois. Lui, il a traduit certains savants. Tu vois. Et celui qui connaît l'anglais, c'est que Barb, je peux dire Barb pour une seule personne. Tu vois. T'as comme ça, ne va être Barb de ma chère, puisque on dit à Kaza, ce qu'on a vu, c'est ton avion, Femme. Donc attention, Barb, c'est pas forcément du pour le pluriel. Des fois, tu peux envoyer un singulier, des fois, tu peux envoyer un pluriel. Ça dépend de ce que tu veux dire, toi. El-Husoul, c'est quoi? C'est le mazdar de quel fier? Hassala, non. Et Fusoul, c'est le dième de Fosl. Taïeb. Et là, attends que je cherche dans le texte, c'est quoi qu'il veut dire par Fusoul, c'est plusieurs sens. C'est pas Mazdar, c'est le dième de Fosl. Fosala. Et des Fusoul, ça peut être des séparations. Ça peut être des classes, comme à l'école, hein, les classes de l'école. Sur la contexte qui va arriver, on va voir ce qu'il veut dire. Inch'Allah. Al-Husul, c'est le mandat de. Hassala Yahsulu. Nam. C'est obtenir ça, Hassala. Hassala Ala, Nam. Sur Ala. Si tu dis Hassala, c'est se produire. Se produire. Quelque chose se produit. Hey, Hassala, qu'est-ce qui s'est passé? C'est production, ça. Hein? C'est une production. Non, je pense qu'il veut l'obtention là, dans le texte. Ouais. Ils ont pas mis Allah, mais non, c'est Allah. Mais tu peux dire Hassol tu al kitab, j'ai reçu, j'ai récupéré le livre. Ouais, j'ai trouvé, je l'ai eu, non, j'ai obtenu. Non, tu peux dire. طيب تركيب النحوية والصرفية إن شاء الله هو بعد ما تكس أكتر طيب. لا يوجد فصول في التكس. أنا جالس لا أرى حتى يأتي بعد إن شاء الله. وبتبدأ من الحتي قراءة و الحتي إقراء. لا كل يوم كتوما نروح ونتلقى. تمام. أبي مرة أنت الموظف داود أنت الموظف نعم. وأنت محمود تفضل من أين أنت قديم قادم قديم تجي قديم سيجي قديم قديم قديم أنسي أيوة لكن تجي قادم سي أريفان و قديم دونك من أين أنت قادم سيجي أخوة D'où est-ce que tu viens non, c'est ça. Où est-ce que tu arrives Voilà, c'est ça. Je viens de Turquie. Donc, comme il l'a dit, Mahmoud, il vient de Turquie. Mais la Turquie, c'est un pays islam, donc c'est bizarre. Regarde, même là, il ne dit pas salam alaykoum. Non. Il ne dit pas salam alaykoum wa rahmatullah. Il est derrière, là. Il est en Saoudi, là. Ou peut-être qu'il est d'apparence tellement. Il n'y a pas un musulman que le mouazaf ne sait pas qu'il a affaire. Est-ce que c'est un chrétien, est-ce que c'est un musulman, je ne sais pas. Donc il ne passe pas salam. Et il a plus le hadith qu'il ne faut pas laisser les coups de koufa, il ne faut pas le saluer en premier. De toute façon, c'est peut-être ça. Hein. Regarde, tu as l'image à côté. Regarde Mahmoud comment il est, comme sa cravate. Tu vois ? Moi, le mouazaf aussi. Hein. C'est tous Aouzoubillah. Ça y est. Le mouazaf, mouazaf al-Jawazad, à chaque coup. أهلاً بك أهلاً بك هل تسمح بجواز سفر وبطاقة المسلم أهلاً بك أهلاً ومرحبا أهلاً وسهلا ومرحبا Même tu peux le dire en séparation. Vous voyez ? Quand quelqu'un il se sépare, tu peux dire marhaban. Tu peux le dire. Vous voyez ? Elle t'a fait un bijawaz de safar ou bita quand il est au sol. Me permets-tu de voir en fait ? Il y a un takdir, tu ne vois pas, mais c'est de voir. Ou de prendre le passeport et la carte d'arrivée. Il n'est pas écrit, mais tu déduis. Quoi. Mahmoud Tafaddal, choukran. Vas-y, fais merci. Choukran, je vais remercier par merci. Mahmoud, yattajihu nahwa bawabati al-khuruj. Mahmoud se dirige vers les portes de sortie. Non, nahouna, c'est le jardin. Vous voyez, en direction. On peut remplacer par ila. Non, je peux pas. Nahou, c'est en direction. Il y a des sens de Nahou, il y a d'autres sens. Il y a Mouazaf al-Jawazat. Il a un Alta Moutajibou. Moutajibou. Moutajibou. Comment tu dirais Vers où je te dirige Non. Alta Moutajibou, il a besoin d'être rouge. Je me dirige vers les portes de sortie. Non. Dirige-toi vers la pièce de la salle des douanes. La salle des douanes en premier. Non. Fidahui al-Jamalik. Donc dans la salle des douanes. Mazalenta. ماذا في حقيبتي بعض الملابس أقول ترجم qu'est-ce qu'il y a dans tes valises ? Dans ta valise. Dans ta valise. Non. Pardonne-moi ici ou à Koto. Quelques vêtements et quelques livres. Non. Ma valise, Malabis, c'est les vêtements. Malabis ? Non. C'est les vêtements. Et Saoboun ? Pareil. Le Saoub, c'est un vêtement. Non. Iftahi al-Hakibata. Hakiba. Hakiba. Non. Iftahi al-Hakibata. Non, non, non. Tu es un homme. Fataha, c'est-à-dire quoi Fataha? Yaftahu. Non, non, non, Fataha, Yaftahu. Il est arrivé, fou. معروف تلقون هذا يعني فتح نعم وكاس يفتح نعم أيوة أوفلا باريس نعم ثم الجملة عليك كذلك تتفضل toujours pour toi. Après qu'il est ouvert, il y a un temps, on sait qu'on a compris qu'il y a un temps qui s'est passé. Fahassa, il l'a cherché, il l'a fouillé, il l'a regardé. Ensuite, il a dit ce qu'il a su. Yumkinuka. Non. Yumkina, Amkana. Il y a une casra. En fait, c'est pour le kef, quand même. Hein? C'est une erreur. Elle est pour le kef, la casra, en fait. Normalement, le mime, il est sakin. C'est yum ki no ka. Il est possible de sortir. Ou tu peux sortir. Akfila. C'est tu peux la fermer. Tu referme-la. Il t'est possible de partir. De sortir. Mahmoud. Shukran jazilan. Merci beaucoup. Aïd, shukran. Jazilan. Naam. En fait, c'est un grand merci. Chaleureux ou. Tamam. Après, commence les exercices. Yaqul awalan istami' wa raddid. Donc, il dit écoute et répète. Là, je vais vous apprendre, comme on avait dit au début, à faire le ism fa'il des verbes autres que le soulasi. Vous voyez, les verbes qui ont plus de trois lettres. Et pour ceux, on va d'abord le prendre sur le tableau. C'est très simple. C'était quoi, on avait dit ? C'est quoi la mesure en sorf? C'est quoi la balance? Le modèle. Fa'ala. Vous voyez, fa'ala. Fa'ala, c'est un soulasi, c'est trois lettres. Maintenant, on veut quoi? Arubaï. Un quatre lettres. On va rajouter un hamza. A. Af'ala. Vous voyez? Af'ala. De l'obaï, t'as d'autres. Hein, t'as d'autres voix, t'as pas que afhala. Dès avant 4 lettres, vous voyez, t'en as 3. T'as afhala, t'as fa'ala, t'as fa'ala. Lakin, non, pour l'instant, on se concentre sur celui-là. Afhala. Comme akfala, comme on dit dans le verbe. Arsala. Vous voyez. Ensuite, c'est quoi le moudouaria de l'obaï? Comme akfala, afala, fun, ça va être yuf'ilu. Ça c'est moudaria. Yuf'ilu. Et tous les rubaï, on a dit quoi? C'est une damba, une kasra avant la fin. Une damba au début, et le aïn, la lettre qui est avant la fin, la lettre kasra. Tous les verbes à 4 lettres, ils sont comme ça. طيب maintenant on veut son isme fa'il. Comment on fait son isme fa'il? C'est très facile. Tu prends la même forme, sauf que la place d'un ya, tu mets un im. Mufailou. Voilà, c'est tout. Là, tu as l'isme fa'il de af'al. Comme on a dit la dernière fois, un exemple. مثلا ما هذا اسلم طيب اسلم سي كو اسم مضارع مسلم مضارع يسلم طيب يسلم سي كو اسم فاعل مسلم مسلم طيب مسلم هكذا. Tous les verbes en quatre lettres à la forme de af'ala, ils font comme ça. Maintenant, un autre verbe. Ittajaha, mathalan. Ittajaha. Ce côté-là, il n'est pas bien pour écrire. Ça part pas. Ittajaha. Ittajaha. Ça y est. Ittajaha. Là, on fait ça ailleurs et on fait le djinn. Voyez. Yattajihu. Voyez. Yattajihu. Ça, c'est le mudawaliya. Voyez. C'est le mudawaliya. Et bien, pour faire un isme fa'il, tu remplaces le ya du mudawaliya par un mim. Muttajihun. Voyez. Je dis muttajihun, akada. Muttajihun. Et tous les autres, même le khumasi et le soudasi, c'est pareil. La première lettre du mudawaliya, qui est un ya, ou un te, ou un nous, ça dépend du fa'il, du sujet, tu enlèves, tu mets un mime avec une dhamma à la place. Tac, t'as l'isme fa'il. Et tu mets un tanoum à la fin. C'est tout. Et là, comme ça, là, t'as l'isme fa'il du rubai, du khumasi à 5 lettres et du soudasi à 6 lettres. Pas compliqué. Allez, allez, roule à Wallen, Istamir ou Raddit. Donc, écoute et répète. Et là, il va tout simplement mettre ça en application. Awalad Mahmoudun Yattajihu Ilal Bawaba. Bawou se dirige vers les portails. Donc, comment on va dire Mahmoudun Muttajihun Ilal Bawaba. Là, on a quoi Muttajihun dans l'isme fa'il. Les deux phrases ont le même sens. Voyez. Fanyan Rashidun Yukofilu El Haqiba. Mahmoud, Kadnas, ferme en cadenassant, la valise. Rashid. Naam. Rashidun Mukfilun El Haqiba. Là, on a quoi? Là, on a l'isme fa'il. Mukfil. Ali yursilu risalatan. Ali envoie une lettre. Yursilu, c'est quoi on dit arsala. C'est comme celui-là, af'ala. Même wazn, la même mesure. Quand tu dis quoi? Ali yun mursilun risalatan. Même sens. Sabi'an at-ta'ira tukhli'u fis sabah. L'avion décolle le matin. Aqla'a, c'est quoi le mardi? Yukli'u, en fait, je vois. Ben, j'ai dit déjà. Yukli'u, son mardi, c'est Aqla'a. Naam. Thaminan, at-ta'iratu mukli'atun fis sabah. Là, on a mis un thème arbouté à la fin, pourquoi? Parce que ta'ira, c'est mouannas. Attention. Donc, l'isme fa'il, il va suivre. Voyez, en genre et en nombre, c'est lui que tu veux définir. Par exemple, là, muslim, c'est un rajoul, un homme. Une femme, c'est dire quoi? Muslima. On met un tomar bouton là-bas. Voyez, on va séparer ces choses-là. Et comme taïra, c'est un mouannas, alors l'isme fa'il, il va être mouannas. Mukli'atun. Tasi'an. Fatimatu, tu safiru, il est Pakistan. طيب فاطمه voyage au Pakistan. فاطمه مسافره الى باكستان. Donc là, c'est مسافره. Et c'est le même sens. Hadi Achar, onzièmement, El Waladou Yusli'u fil Khuruj. Ça vient du verbe Asla'a Yusli'u qui veut dire se précipiter, se dépêcher. Aller vite. Asla'a, c'est aller vite. Se dépêcher, se précipiter. Ça vient du mot Sul'a. Sul'a l'Aïn. Qui sont Al-Mad à l'origine du mot. Donc El Waladou Yusli'u fil Khuruj, l'enfant se précipite à sortir. Tu vas dire quoi ? Al-waladu musli'un fil khuruj. Yep. Tayeb. Thaniyan. Pareillement, istami' wa raddid. Je ne peux pas répéter. Hein. Alors, moi, c'est en classe. J'ai été taïra. On avait même un Libanais, il tapait des mains et chantait. Il apprenait des définitions. Rien. Oustaz Sabri, un des profs que j'ai eu. Il prenait une définition d'un mot, par exemple. Il te la faisait en chansonnette et tape des mains. Il dit ça fait rentrer dans la mémoire et tout. Et après, il devine devant moi, il commençait à dire. Il vient devant moi, il tape ses mains, il chante, il peut faire le. Je chante pas, je tape pas des mains. Lui. À l'époque, je ne faisais pas mon hukum. Je dis, je ne dis pas que c'est haram, je ne sais pas vraiment, je dis, en tout cas, ça ne m'attire pas, je ne peux pas faire comme ça. Il m'a dit, pas de problème. Ah, le plus important, tu apprends la définition. Je fais la définition sans taper des mains, sans chanter. Et d'autres qui. Tu vois, ils étaient un peu plus souples que moi, ils tapaient des mains, ils chantaient. Ils tapaient des mains, ils chantaient. Je suis propre. Je suis propre, ouais. Et c'est un philosophe, il aime la philosophie. C'est un livre de la. Donc il dit Ibrahim, Yursilu Risalatan. Donc Ibrahim envoie une lettre. Et Ibrahim, la Yursilu, le fait-il, le sujet, ça va être Houa. C'est il en fait. Ça revient Ibrahim. Donc le verbe, tu mets au début un Ya. Comme Yafal, Yadhab. Voyez. Et là, il t'apprend quoi ? Comment conjuguer les verbes en quatre lettres ? Et ça vient ce que je vous ai dit. Tu mets une damma au début. Tu vois ? Et tu mets une kasra sur la lettre qui est avant la fin. Toujours. Robaï, il est toujours comme ça. Là, maintenant, quand tu vois Yursilu, si tu as bien compris, tu sais direct c'est quoi son maradi. Tu dis Yursilu, ça vient en quatre lettres, ça va être quoi ? Arsala. De toi, tu vas le trouver après. At-ta'ira. Toukliou, fissa adissa. L'avion décolle à 6h. Donc là, pareil, toukliou, c'est akla'a, c'est un roba'i, un verbe à 4 lettres. Salisan, Zainabou, tousafiru, il est le Hind. Zainab, voyage en Inde. Donc là, tousafiru, c'est un à 4 lettres. Et c'est quoi l'origine ? Safara. Safara. Safara, là, hey, wazn, à quelle mesure ? Il faut tout qui répond. Si on se base sur ça là. Safara. Comment tu dirais là? Ekfa'ala, comment tu mets ça? Ekfa'ala. C'est quoi la mesure? Non, si. Ekfa'ala. Non. Par exemple, si je te dis aslama, c'est quoi sa mesure? Tu vas dire af'ala. Donc safara, c'est quoi sa mesure? C'est quoi ce patron? Toi, repère, c'est quoi les trois lettres d'origine? Moi, c'est le sin. Aïwa. Elle fait, on a rajouté quoi? Alif. Donc fais pareil avec fa'ala. Comment tu vas faire? T'as le fa, t'as le ra, t'as le lem. Tu vas dire? Ahsant. Fa'ala. Fa'ala. Le sens c'est comme ça. Une fois que t'as compris tout ça, après avec un mot tu vas en trouver 10 tout seul. Bismillah. Tu sauras comment conjuguer. Demain tu auras isme fa'il. Tu vas savoir c'est quoi son verbe mardi, son mot d'alir, qu'est-ce qu'il veut dire. Et tous les autres verbes, tous les autres mots qui vont avec. C'est mathématique. Non, ça ne faut pas croire. Hein. Avec un exemple fort, deux exemples dans le sens, ça va vite. Ça va en direct. Crois pas ça, c'est pas des années. Hein. Pas des années, le sens, ça va vite, alhamdoulilah. Voilà, déjà là, en Inde, ça a appris comment faire l'isme fa'il d'un verbe à 4 lettres, d'un verbe à 5 lettres, d'un verbe à 6 lettres. En Inde. Maintenant, demain, je donne n'importe quel verbe à 5 lettres, 6 lettres ou 4 lettres. L'isme fa'il, tu vas me donner automatiquement. Maintenant, tu vas savoir comment faire. Tu apprends juste ça. soit dans ta tête. Demain, je t'interroge, je vais en répondre direct, Inch'Allah. C'est pas dur. Inch'Allah, vous m'interrogez. Rabia, Ismaïl yusli'u fil mashi. Ismaïl marche vite, en fait. En fait, on va dire, il fait vite. Mashi, c'est la marche. On ne va pas dire, il fait vite dans la marche. On va dire, il marche vite. Mais à la base, c'était à mon parlance, on devrait traduire mot pour mot, on dirait Ismaïl, Taïm, se dépêche dans la marche. Mais ça ne se dit pas. Taïm, Yusli'u, il s'interroge maintenant, je n'attends pas demain. C'est quoi son mardi? Yusli'u, c'est un verbe à quatre lettres. Yusli'u, son mardi? Aïe, c'est quoi? Aïe, on regarde. Vas-y. Aïe, quoi? Asla. Asla. Tu vois, t'as compris déjà. Je te dis, regarde. C'est normal, là, c'est tout frais. Tu vois, c'est tout frais. Donc, regarde. Ça sert à ça, le wasp. Tu regardes le wasp, tu réfléchis, c'est mathématique, tu comptes. Tac, tu trouves. Mais dans quelques temps, toi-même, ça revient tout de suite, tac, dans ta tête. Inch'Allah. خامسا محمد يغادر المدينة طيب محمد كيت المدينة يغادر في الكوفة ماضي ولا في الكوفة غادر غادر كم سافر يضرب من وزن على وزن فاعل خامسا وسادسا المسافر يتوجه إلى صلاة المغادرة طيب المسافر هذا كوا المسافر اسم فاعل دو سافر طيب ويتوجه سي لو مضارع دو توجه ولا يبقي ديجا الى الصاله المغادره المغادره سي المصدر دو غادره المصدر كما لي بون سا فيني ابري سي ان اوتر كو كما تي بون المصدر دان رباعي و دان خماسي و سداسي سي با اسم ماتيماتيك ils ont des poids après tu les connais tous. Le problème, c'est celui à trois lettres. Celui-là, le plus dur. Trouver un masdol d'un verbe à trois lettres, c'est du par cœur en général. Il n'y a pas vraiment de règles. Quelques règles, mais elles ne sont pas générales. Alors que les autres, c'est tous. Si tu sais son mardi, tu vas trouver c'est quoi son masdol direct, Inch'Allah. Ils ont tous les mêmes formes. C'est comme ils sont faits. C'est les mêmes. Même nom. Al-Muradara, il ressemble. À quoi? Il ressemble à Al-Musafir, par exemple. Ouais, mais le masdol de Safar, c'est pas le Musafar, justement. Attention, hein? Ça va être un piège. Al-Muradara, c'est le mazdar de Ghadara. Mais... Et Ghadara, il est comme Safara. Mais... Et pourtant, le mazdar de Safara, c'est pas Musafara. Ah, c'est Safara. Il y a des petites exceptions des fois. Des subtilités, mais c'est pas nombreuse. Si t'as compris la règle générale, à la base, c'est déjà un grand khair. C'est un grand bien déjà. Taïb, Sadisan, là, on a pris Sadisan. Sabian, Mahmoudun, Yattajihu, et Lattahira. Mahmoud se dirige vers l'avion. Yattajihu, c'est le mudari'a de quoi? Ittajaha. Al-Khututu al-Saoudiyatu tu'alinu an rihlatiha. Donc les lignes aériennes, compagnies aériennes saoudiennes, annoncent leur vol. Donc là, tu'alinu, ça vient de quel verbe? A'lana. Naam. Mahumala? Pourquoi c'est pas dire pareil? Mu'alim, c'est le ism mazdar, naam. Thalithan, istami' wa raddid. Écoute et répète. Donc là, il va vous montrer quoi? Encore la différence. Le vrai sens de yani an. An, quand tu rentres dans un verbe, taïeb, an, quand tu rentres dans un verbe, il fait ressortir. En arabe, hein? Bien sûr, pas en français. Il est interprété par le masdar, en fait, du verbe dans lequel an il est rentré. Un exemple, si je te dis uridu an ajlisa, taïeb, uridu an ajlisa, c'est quoi le sens? Uridu al-julus. C'est ça que ça veut dire. Hein? Ah. Uridu al-julus. C'est le sens du masdar. Masdar. Et en plus, un petit faïda en plus, ça a le sens du futur. Ça a le sens du futur. Pourquoi? Quand je dis, je m'assois, est-ce que tu es assis quand tu dis ça? n'a pas sens si tu es déjà assis. Tu es assis, je m'assois. Mais on va dire, après, tu es assis. Non. Donc, ça veut dire quoi? Tu veux t'asseoir, donc tu ne l'es pas encore. Donc, ça va arriver après. Donc, tu déduis de ça que tu veux quoi? Le futur. Ça y est? Ça démontre le futur. Et tu interprètes le verbe dans lequel un il est rentré par son masdar. Comme ça va venir maintenant dans les exemples, Inch'Allah. Il y a cool. Yumkinuka antakhruja. Il t'est possible de sortir, ou tu peux sortir. Comment tu l'interprètes? Yumkinuka al-khuruj. Et c'est le même sens. Allez, c'est le même sens. La sortie t'est possible. Thalithan, yumkinuka antadkhula. Il t'est possible de rentrer. Yumkinuka ad-dukhul. L'entrée t'est possible. Khamisan, yumkinuka an tasila. Il t'est possible d'arriver. Tu veux dire quoi? Yumkinuka al-wusul. L'arrivée t'est possible. Yumkinuka an tusafira. Il t'est possible de voyager. Yumkinuka al-safar. Le voyage t'est possible. Tasian, yumkinuka an tughadir. Il t'est possible de partir. Yumkinuka al-mughadara. Hadi Achar, yumkinuka an ta'oud. C'est-à-dire quoi, ada ya'oudou, Daoud? Ada ya'oudou. Ada? Ada ya'oudou. Non. Enfin, tu dis quoi? Yumkinuka al-aouda. Al-aouda, c'est le masdar. Taïeb? Yossi iyada. Iyada, c'est plus. Ada, un autre sens que ce poète. Takul il-yum ana. Sa'oudou maridan. Je vais visiter un malade. Ça parle maintenant de ziyara. Donc quand tu dis aouda, c'est le mansar. Un verbe peut avoir plusieurs mansar. Attention. Un verbe peut avoir plusieurs mansar. Si tu dis aouda de aada, ça veut dire revenir. Si tu dis ayada, c'est la visite du malade. Par exemple, chez le docteur, tu vas voir si en arabe, ayada tel tabib, visite du docteur. On ne peut pas dire ziyara. On va dire ayada. Et ça vient du même verbe. Aada ya'oudou. Ta'oud al-marid, c'est tu visites le malade. Zara, c'est visiter aussi. Aussi, non. C'est le même sens. Mais en fonction de la phrase, le sens il peut changer. Vous voyez, tu dis aoud, il est le fait, tu reviens à la maison. Aoud al-marid, je visite le malade. Tu dis pas il y a de tout le balai. Si. Ouais, tu me dis non. Mais c'est quoi le. Pourquoi c'est un mouvement parce que c'est quoi là? Parce que c'est dans ce contexte. Non. C'est différent. Tu arrives à différencier entre les deux sens volus. Là, il dit, moi, là, c'est un truc que je vous rajoute. Il dit, Yumkinuka al-Khuanitakhruja. Il était possible de sortir. Ben, maintenant, je veux que tu me dises. Il vous est possible de sortir. Comment tu vas dire? Vous êtes-il? Il vous est possible de sortir. Maintenant, je veux le pluriel. Comment tu vas dire? Vous. Yomkinukum. Nam le khuruj. Il leur est possible de sortir. Eux. Comment tu vas dire? Yomkinukum. Nam. Il lui est possible de sortir. Au féminin. Yomkinuha. Maintenant je veux, il m'est possible à moi de sortir. Yomkinuni. Non, Yomkinuni. Vous voyez? Donc après c'est pareil. Thalithan, hawwil al-jumal atiya kama fi an-namuzaj. Transforme la phrase suivante comme dans l'exemple. Al-musafiru yuridu al-khuruj. Vous voyez? Le voyageur veut sortir. Al-musafiru yuridu an yakhruja. C'est-à-dire, « Al-musafiru yuridu an yakhruja ». Donc c'est contraire de ce qu'on a fait en haut. Là au début, il vous met quoi? Le masdar, ben, vous fassiez quoi? La phrase avec le verbe « an ». Tamam ?« Ada fil bayt ». Là, c'est à la maison. Ça, c'est à la maison. Et en plus, juste le premier, là, pour voir. Quel premier? La première phrase? Allez. Il dit « El musafiru yuridu istikharaj al-jawaz ». Donc on va dire المسافر يريد أن يستخرج الجواز. Et quand « en » est en verbe au singulier, on met « fatha » à la fin. Il est monsoum. Il est monsoum. Tu ne dis pas « en » Mohamed yuridu en yetahabu. Non, tu dis « en yetahaba ». Si tu dis « yetahabu », c'est une grosse faute de grammaire. Vous voyez ? Une grosse faute de grammaire. En général, il met une soukoune. Oui, en général, il se fait pas la tête. Il se fait pas la tête une soukoune. Mais quand tu testes quelqu'un, on dit Mohamed, Yurid, En, Yahrouj. Tu te dis, mets-moi les harakats. Là, il va bégayer. Tu vois, il va te dire Mohamed, Yurid, En, Yahrouj. Tu te dis non. Il répond pas. Et là, tu vas peut-être la règle. Il va, ah, je sais pas, on entend les gens, ils parlent comme ça. Tu vois. Mais quand tu sais, tu sais. Tu n'es pas obligé de le dire, la harakat, tu peux t'arrêter. Mais tu testes quelqu'un parce qu'il sait ce qu'il dit, tu dis. C'est quoi la harakat de l'Yakhruj? Après N, s'il connaît, il va dire Fatha, khalas. Et s'il faut qu'il bégaye ou il cherche, tu dis toi, tu révises. Ou que t'apprennes si tu ne connais pas encore. Voyez. Rabian. Non, khalas. Vas-y, c'est Rabian. Rabian, Adil, un Asila, El Atiya. كما في النموذج يجي من أين أنت قادم دو فينتو بارانتيز القاهرة دونك تو دي أنا قادم من القاهرة جو فيان دو كيا القاهرة سي كيا on fait pareil que avec son tour et entre parenthèses c'est notre ville de Lyon le Khultoum je sais pas c'est Khartoum. Non. C'est pas. Mais là, c'est pas. Khartoum, c'est Soudan, Khartoum. Khartoum. Je connais pas son ligue en. Khartoum, c'est ça? Non, c'est pas pareil. Là, c'est le nom d'une ville, c'est le nom d'une capitale. Ah oui, ils sont nés là, c'est son nez là. Ah, c'est pas pareil dans le Coran. Peut-être qu'ils ont pris le mot d'avis par rapport au Coran, mais dans le Coran, c'est pas le. Ça s'écrit pas comme ça, c'est Khartoum. Si, c'est pareil. Allez, madame Mafou, madame, Arabia. Allez. Al-Khamis, Yakoul, Adib, Al-Asiatil, Atiya, qui m'a fait le mot d'avis. Bien. Non. Enfin, il y a une question d'une Aïda à la Khadima. Non. Comment ça? Je suis. Tu sais ce qu'on peut dire? Il est où, Anna? D'où est-ce que j'arrive? Khamis. C'est juste pour t'apprendre à employer le dormir, c'est tout. Là, ça ne dit pas à la base. Tu te demandes d'où est-ce que je viens, à part si tu es dans les pommes, tu viens de te réveiller. D'où je viens, peut-être, mais là, ça s'en fait tout ce que tu viens. Tayyip, Khamisan, il a Aina Anta Muttajihun. Entre parenthèses, il met Beyrouth. Là, c'est pas Ruth, enfin, c'est Beyrouth. D'accord, un amout tajihoun, il est Beyrouth. Donc là, c'est pareil que l'autre. Vous voyez ? Vers où est-ce que tu. Par exemple, il a Aina Anta. Il a Aina Anna Mouradiratoun. Donc là, c'est une femme qui parle. C'est une femme qui parle. Qu'on a mis à terre là-bas. Un amourat de la toune, il est London. Vous voyez ? Il est London. Et le service, c'est le, parce que j'essaie de le lire, apparemment il est un peu. Le service, c'est. Fibait, non ? Non. Le service, Inch'Allah, Arhamoukoum Fi. Vous voyez ? On le fait pas parce que j'ai regardé un peu le dénoncé là et il n'est pas clair, il est un peu désordonné. Pas mal ? Pas mal. Bah, la dosse ? Et souhait ? Non, là, il fait du tout. Ma, pas du tout. Mahmoudoun, yattajihu, il est taïra. Yattajihu. Ittajah, yattajihu, se dirige vers le, vers l'avion. Ittajah. Ittajah. On l'a pris dans le vocabulaire ancien. tu le révises, tu retournes en arrière, tu vas retrouver, Inch'Allah. La fin du livre, même à la fin, je dis à la fin, t'as dictionnaire. À la fin, t'as un bon djem, à la fin du livre. Tu vas avoir un livre, tu vas trouver une tajra, il va te dire. Qu'est-ce que vous l'aurez aidé avec ? Hein ? Là ? Ça y est, il faut aller là ou là. On a quand même un livre, quand même un test avec un livre.